Chapitre 20e. Depuis le lac Puyang jusqu'à Nanchangfu, capitale de la province du Jiangxi, le pays que nous parcourûmes pendant 2 jours n'était, pour ainsi dire, qu'un désert où l'on trouvait à peine, de loin en loin, de misérables cases en roseaux et quelques lambeaux de terre à moitié cultivés par de pauvres paysans. Au point de vue du confortable et de la civilisation, rien de plus triste, de plus désolant. L'œil n'apercevait de toutes parts que de vastes prairies où croissait péniblement une herbe jaunâtre calcinée par le soleil et qui tombait en poudre sous nos pas. Des hangars délabrés, auxquels on donnait par habitude le nom d'hôtellerie, n'avaient à offrir aux voyageurs que du riz rouge cuit à l'eau et des légumes salés. On n'y trouvait pas même du thé, et ceux qui avaient oublié d'en faire une petite provision étaient condamnés à boire de l'eau chaude. Cette contrée, comme on voit, n'était pas précisément arrangé de manière à y faire des voyages d'agrément et de fantaisie. Cependant, nos 2 journées de marche à travers ces terres incultes furent pour nous un véritable délassement et une source de ces jouissances vagues et mélancoliques dont parfois le cœur de l'homme aime tant à se repaître. Il nous semblait errer encore au milieu des sauvages solitudes de la Mongolie. Les mœurs des tribus nomades, leurs tentes, leurs troupeaux, les longues caravanes de chameaux, les grandes herbes du désert, les sarligues et les brebis jaunes, les monastères bouddhiques avec leurs nombreux lamas. Tous ces souvenirs se réunissaient peu à peu et fournissaient à notre imagination des tableaux pleins de charme et de variété. Il y avait si longtemps d'ailleurs que nous étions tourbillonnant au milieu de cette immense cohue de la civilisation chinoise que notre esprit avait besoin d'un peu de calme et de repos. Le tumulte et l'agitation de tant de grandes villes avaient fini par nous donner comme une fièvre perpétuelle. Il nous fallait pour quelques jours la paix silencieuse du désert. Avant d'arriver à Nanchangfu, nous nous arrêtâmes dans une sorte de corps de garde afin de laisser passer les heures les plus chaudes de la journée. Nous fûmes très gracieusement accueillis par un mandarin à globule blanc qui avait là sous ses ordres une quinzaine de soldats. Les rafraîchissements qu'il nous offrit étaient peu séduisants. Du thé, du vin de riz, des pistaches grillées, des confitures de gingembre et de ciboulette macérées dans de la saumure, tout cela n'était guère de nature à nous désaltérer. Nous regardâmes, d'un œil attristé, ces friandises chinoises, sans oser y toucher, de peur d'activer encore la soif brûlante dont nous étions dévorés. Le seul pleureur but du thé bouillant et du vin chaud. Il croqua des ciboules, mangea du gingembre, fuma coup sur coup 5 ou 6 pipes de tabac, et se trouva ensuite parfaitement rafraîchi et restauré. Rien qu'à le voir faire, nous sentions notre gosier et notre langue se dessécher tout à fait. Nous ne pouvions plus y tenir. « Ne pourrait-on pas, dîmes-nous au globule blanc, trouver un peu d'eau fraîche dans les environs ?»« À quelques pas d'ici, nous avons un puits très profond. L'eau en est excellente, mais elle est froide, comme de la glace. Avant de la boire, il faut au moins la faire chauffer un peu, autrement elle occasionne des coliques. » Nous le suppliâmes de nous en envoyer chercher en lui promettant d'user de précautions pour ne pas être malade. Un soldat de bonne volonté prit un large seau et courut nous puiser de l'eau. Pendant ce temps, nous demandâmes au globule blanc si par hasard il n'aurait pas du vinaigre dans son établissement. « J'en ai, » nous répondit-il, « mais je crains qu'il ne vous convienne pas. C'est du vinaigre de polype. Il est fabriqué par un animal. » « Du vinaigre de polype ? Nous connaissons cela. C'est le meilleur vinaigre qu'on puisse trouver. Mais comment se fait-il que tu possèdes un tsunodze, polype à vinaigre ? C'est un véritable trésor. Est-ce que tu as été sur les côtes du Liaotang ? Il y a quelques années, j'ai été envoyé en expédition dans cette contrée, et j'en ai rapporté un tsunodze. » Pendant cette conversation, le soldat arriva avec son seau rempli d'eau glaciale. Le globule blanc nous donna de son vinaigre merveilleux, et à l'aide d'un peu de cassonade, nous composâmes une boisson exquise. Les Chinois nous regardaient boire avec étonnement. Comme ces nombreuses et abondantes libations, au lieu de provoquer des coliques, ne servaient qu'à nous épanouir, ils en concluaient que les Occidentaux avaient une organisation différente de celle des hommes de la nation centrale. Le tsunodze est un être qui, à raison de sa bizarre propriété de fabriquer d'excellents vinaigres, mérite une mention particulière. Ce polype est un monstrueux assemblage de membranes charnues et gluantes, de tubes et d'une foule d'appendices informes qui lui donnent un aspect hideux et repoussant. On dirait une masse inerte et morte. Cependant, quand on la touche, elle se contracte ou se dilate et se donne des formes diverses. C'est un animal vivant, dont la structure et l'existence ne sont pas plus connues que celles des autres polypes. Le Tsunodze a été découvert dans la mer Jaune et les Chinois le pêchent sur les côtes du Léotang. Mais on n'en prend qu'un petit nombre. Peut-être sont-ils plus abondants ailleurs, où l'on néglige de les prendre faute de connaître leurs propriétés. On place ce polype dans un grand vase rempli d'eau douce, à laquelle on ajoute quelques verres d'eau-de-vie. Après 20 ou 30 jours, ce liquide se trouve transformé en excellent vinaigre, sans qu'il soit besoin de lui faire subir aucune manipulation, ni d'y ajouter le moindre ingrédient. Ce vinaigre est clair comme de l'eau de roche, d'une grande force et d'un goût très agréable. Cette première transformation, une fois terminée, la source est intarissable, car à mesure qu'on en tire pour la consommation, on n'a qu'à ajouter une égale quantité d'eau pure, sans addition d'eau-de-vie. Le Tsunodze, comme les autres polypes, se multiplie facilement par bourgeons, c'est-à-dire qu'il suffit d'en détacher un membre, un appendice qui végète en quelque sorte, grossit en peu de temps, et jouit également de la propriété de changer l'eau en vinaigre. Ces détails ne sont pas uniquement basés sur les renseignements que nous avons pu recueillir dans nos voyages. Nous avons possédé nous-mêmes un de ces polypes. Nous l'avons gardé pendant 1 an, faisant usage journellement du délicieux vinaigre qu'il nous distillait. Lors de notre départ pour le Tibet, nous le laissâmes en héritage aux chrétiens de notre mission de la vallée des eaux noires. Après nous être abondamment désaltérés avec cette excellente limonade de polype, nous fîmes nos adieux aux gracieux globules blancs du corps de garde. « Puisque vous avez honoré ma pauvre demeure, nous dit-il, je demande la faveur de vous accompagner jusqu'au fleuve qui passe devant Nanchangfu. Nous ne saurions souscrire à de si grandes dépenses de cœur. Les rites l'exigent. Ah, tu n'es pas un homme des Kiangxi, puisque tu sais bien étendre les prescriptions des rites au lieu de les restreindre. Non, je suis originaire de l'humble et pauvre province de Sichuan. De Sichuan? Nous avons traversé cette province et à notre avis, elle est la plus belle et la plus riche de l'Empire. Un homme de Sichuan doit trouver la vie peu agréable dans le Kiangxi, surtout au milieu de ce triste désert. Le Kiangxi offre peu de ressources, tout y est plus cher que dans les autres provinces. Aussi, c'est une pratique du gouvernement que d'y envoyer fonctionner les mandarins quand il veut les punir. C'est une chose connue de tout le monde. Cette petite confidence nous donna le droit de conclure que notre cher globule blanc avait été mis en pénitence. « Il faut espérer, lui répondîmes-nous, que tu ne resteras pas longtemps ici, et que l'empereur te donnera, dans un meilleur pays, un poste approprié à tes vertus et à tes mérites. Je ne suis pas né sous une influence heureuse. Les succès semblent me fuir, mais peut-être que vos bonnes paroles me porteront bonheur. » Pendant que nous nous escrimions à nous adresser mutuellement des formules cérémonieuses, un soldat sellait un cheval efflanqué qu'on tenait attaché à un pieu à quelques pas du corps de garde. On eût bien pu, cependant, le laisser libre, sans crainte qu'il s'échappât. Lorsqu'il fut prêt, on le traîna vers le mandarin, qui sauta dessus assez lestement. Le pauvre animal chancela et fléchit visiblement sous le poids, quoique le cavalier ne fût pas d'un très riche en bon point. Nous ne savions trop comment notre cher globule blanc, monté de cette façon, allait s'y prendre pour nous accompagner. « Allons, partons » s'écria-t-il, et en même temps, il asséna un gros coup de manche de fouet sur la tête de son coursier. L'animal secoua les oreilles, éternua, exécuta lourdement quelques gambades et rentra aussitôt dans sa majestueuse immobilité. « Allons, partons !» s'écria de nouveau l'ardent cavalier. « Est-ce que vous n'entrez pas dans vos palanquins ?»« Tout à l'heure, lui répondîmes-nous, tâche de prendre de l'avance, car il est aisé de prévoir que ton quadrupède suivra difficilement la marche de nos porteurs. »« Oui, c'est cela, » fit le globule blanc, « je vais passer devant. » Et il donne de nouveau un coup plein de vigueur sur la tête du cheval, qui s'ébranle aussitôt, fait quelques pas en sautant, bronche, et se précipite à genoux, comme pour supplier son cavalier de le laisser en repos. Le mandarin militaire glisse moelleusement le long du cou de la pauvre bête, et va s'étendre, les bras en avant, au beau milieu de la route. Pendant que le cavalier est occupé à se ramasser, le cheval va rejoindre avec un calme admirable son pieux chéri, qu'il caresse d'un regard plein de tendresse. Le mandarin ne se décourage pas. C'est un messie à broncher, dit-il, nous allons voir cette fois. Et en disant ces mots, il enfourche de réchef sa monture, que deux soldats se chargent de faire avancer, l'un tirant par la bride et l'autre frappant par derrière avec le manche d'un balai. De cette manière, l'animal finit par se donner un certain mouvement. Pour lors, nous entrâmes dans nos palanquins et nous suivîmes. Nos porteurs eurent bientôt atteint le cavalier, qui resta si loin derrière nous que personne ne se serait douté qu'il était là pour nous accompagner. Dans le midi de la Chine, il y a très peu de chevaux. Les particuliers n'en nourrissent ni pour les travaux de la campagne, ni pour les voyages. On en rencontre seulement sur les routes principales, aux divers relais établis pour le service du gouvernement. Ces chevaux viennent de la Tartarie et sont en général d'assez bonne race, mais ils supportent difficilement les chaleurs des contrées méridionales. Après quelques années, ils perdent entièrement leur vigueur et finissent par être tout à fait hors de service. Dans 2 heures de marche, nous arrivâmes au bord d'une grande rivière nommée Chang. Sur la rive opposée s'élevait Nanchang Fu, capitale de la province de Jiangxi. Un long et large bac était tout disposé pour nous faire passer l'eau. La caravane tout entière y entra, à l'exception de notre soi-disant compagnon de route, le globule blanc, qui se trouvait encore, nous ne savions à quelle distance. Au moment où le bac commençait à se mettre en mouvement, 2 de nos porteurs sautèrent à terre en disant au patron d'attendre un instant. Ils coururent à un champ de pastèques, en volèrent autant qu'ils purent emporter, et se jetèrent dans le bac, qui gagna vite le large. Le propriétaire, qui de sa maison, située à peu de distance du champ, avait aperçu les maraudeurs, courut après, mais il était trop tard. Pendant qu'il vociférait et gesticulait sous le rivage, les porteurs de palanquins s'étaient partagés les pastèques et se rafraîchissaient tout à leur aise, sans trop se préoccuper du malheureux cultivateur, qui les maudissait de toute la puissance de ses poumons. Lorsque nous eûmes traversé la rivière Chang, nous trouvâmes sur un large quai, le long du faubourg de la ville, quelques fonctionnaires publics qui nous attendaient. Ils s'abouchèrent avec le seul pleureur et étinrent gravement conseil. Nous demeurâmes dans nos palanquins et la foule circulait, sans paraître se douter que des personnages exotiques venaient d'aborder dans la capitale du Jiangxi. Les délibérations de nos hommes d'affaires se prolongeant outre mesure, nous sortîmes de nos loges pour aller leur demander ce qu'ils avaient tant à causer, pendant que nous étions à attendre au milieu de la rue. Les mandarins de la capitale n'étaient pas encore fixés sur l'endroit où il fallait nous loger, et ils prenaient en conséquence des informations auprès du seul pleureur, qui assurément avait trop peu d'initiative pour les tirer d'embarras. Les passants avaient déjà remarqué l'étrangeté de notre costume, la ceinture rouge et le magique bonnet jaune, et bientôt une foule immense se pressa autour de nous. « Voyez, dîmes-nous aux fonctionnaires de Nanchang Fu, voilà le petit peuple qui accourt de toutes parts et s'amoncelle sur le quai. Est-il convenable que nous soyons encore sans savoir où nous irons loger ?» Les mandarins, déjà ahuris par les flots de la multitude, ne savaient plus où donner de la tête. Notre domestique Wei Chan s'approcha de nous et nous fit remarquer un grand et magnifique édifice. C'est un Wenchang Kun, ou palais des compositions littéraires. Nous avions déjà logé une fois pendant notre voyage dans un de ces établissements destinés à la corporation des lettrés, et nous nous souvenions que le séjour en avait été très agréable. Nous n'eûmes pas à délibérer longuement. Le parti fut tout de suite pris d'aller nous y installer. Pour réussir dans l'entreprise, il ne fallait qu'un peu d'aplomb. Nous retournâmes à nos palanquins, et nous dîmes au porteur du ton le plus impératif qu'il nous fut possible de prendre. « Oh Wenchang Kun !»« Oh Wenchang Kun !» répétèrent les porteurs. « Nous obéissons !» Ils chargèrent aussitôt les palanquins sur leurs épaules, et Wei Chan, qui avait une parfaite intelligence de ces brusques évolutions, se mit à la tête du convoi, en criant à la foule de s'écarter avec respect. Les flots de la multitude se divisèrent comme par enchantement. Le seul pleureur et les autres mandarins, qui étaient encore à délibérer, se mirent d'instinct à notre suite. Tous les membres de la caravane en firent autant, et nous entrâmes ainsi au palais des compositions littéraires, avec cette majesté hautaine, qui est tout à fait dans le goût du peuple chinois. Les gardiens de l'établissement, voyant arriver un convoi accompagné d'une population innombrable, s'imaginèrent tout naturellement avoir affaire à quelques fameux personnages. Toutes les portes furent ouvertes à 2 battants, et nous pénétrâmes, après avoir traversé plusieurs salles et plusieurs corridors, jusqu'à la cour la plus reculée. C'est là que s'arrêta Wei Chan, qui conduisait l'entreprise avec une merveilleuse audace. Nous sortîmes de nos palanquins, et nous fîmes venir le gardien en chef du Wenchang Kun. « Ouvre tout de suite, lui dîmes-nous, les appartements supérieurs, et fais préparer le repas du soir. Nous resterons ici quelques jours. Que chacun fasse son devoir, et tout le monde sera content. » Nous nous adressâmes ensuite aux fonctionnaires venus pour nous recevoir à notre débarquement, et qui n'avaient pas su deviner ce qu'il fallait faire de nous. « Vous autres, leur dîmes-nous, allez trouver le préfet de la ville. Annoncez-lui que nous jouissons d'une bonne santé et que nous sommes installés au Wenchangkun d'une manière conforme à nos goûts. » Nous fîmes une profonde révérence à ces globules de diverses couleurs qui s'en retournèrent d'un air tout mystifié et comme des gens qui ne comprennent rien au rôle qu'on leur fait jouer. Tout le monde étant parti, le seul pleureur resta planté devant nous sans rien dire. Il nous regardait avec ses yeux humides et clignotants et semblait nous demander ce que nous allions faire de lui. « Maître Liu, lui dîmes-nous, tu devais nous conduire jusqu'à la capitale du Kiangxi. Nous y voilà. Ta mission est terminée. Où es-tu logé ?»« Où je suis logé ? » fit-il d'un air tout ébahi. « Mais qui est-ce qui peut savoir cela ?»« Toi, sans doute. Au moins, tu as plus que tout autre le droit de le savoir. C'est possible. Toujours est-il que je ne sais trop ce que je vais devenir. Va trouver le gardien de l'établissement. Il te colloquera quelque part. » Demain, probablement que nous recevrons la visite des autorités et tu régleras tes affaires avec elles. » Le seul pleureur trouva que nos paroles avaient un certain sens. Il alla donc à la recherche du gardien. Et nous montâmes visiter le logement que nous nous étions octroyé. Wei Chan, aidé de quelques serviteurs de la maison, avait déjà mis tout en ordre dans de vastes et frais appartements, d'où la vue dominait la ville, le cours du fleuve que nous venions de traverser et la campagne des environs. Une galerie ouverte, ornée de grands sièges en porcelaine et de nombreux vases à fleurs, donnait sur le quai, où la foule s'était rassemblée autour de nous pendant que le seul pleureur et quelques petits mandarins de Nang Changfu se creusaient le cerveau pour nous trouver un logement alors que nous avions à notre portée un Wang Changkun. Nous fîmes quelques tours de promenade sur cette charmante galerie. Le soleil venait de se coucher et la délicieuse fraîcheur du soir commençait déjà à se faire sentir. Quelques-uns des Chinois qui stationnaient sur le quai nous remarquèrent. La nouvelle, comme une étincelle électrique, se communiqua rapidement de tous côtés et bientôt toutes les terres furent en l'air et les yeux dirigés vers la galerie de Wang Changkun. Tous les passants se crurent obligés de s'arrêter pour nous contempler à loisir. Insensiblement, la foule devint tellement compacte que la circulation se trouva tout à fait interceptée. Comme nous étions haut placés et à une assez grande distance de la multitude, nous ne pouvions nullement être incommodés de tous ces regards qui semblaient vouloir nous dévorer. Aussi continuâmes-nous tranquillement notre promenade, heureux de pouvoir satisfaire sans inconvénient la bien légitime curiosité des habitants de Nanchangfu. Nous étions seulement privés d'entendre leur conversation qui, assurément, devait pétiller de réflexions curieuses et intéressantes. Le maître d'hôtel du Wenchangkun vint nous prévenir que le souper était prêt et nous demanda où nous désirions qu'il nous fût servi. Les deux missionnaires se regardèrent et lurent dans les yeux l'un de l'autre qu'ils avaient la même pensée. « Y a-t-il quelque inconvénient, dîmes-nous au maître d'hôtel, à ce que nous prenions notre repas sur cette galerie ?»« Aucun, nous répondit-il. Il y aura au contraire, ici plus qu'ailleurs, de la fraîcheur et de la clarté. Et puis les 100 familles qui sont là réunies seront bien aises de voir. » Ne demandant pas mieux que d'être agréable aux 100 familles, surtout quand elles se tenaient à une distance respectueuse, il fut résolu que nous souperions en plein air. On apporta une brillante table en laque, qu'on plaça au milieu de la galerie. Lorsqu'on vit le maître d'hôtel disposer sur la table les nombreux petits plats de friandises par où commencent les repas chinois, il se produisit, parmi la foule qui encombrait le quai, une longue agitation et un sourd murmure qui semblait exprimer le bonheur qu'on se promettait par avance en voyant de quelle façon mangeaient les diables occidentaux. On s'attendait à des choses prodigieusement curieuses. Des hommes de par la lémère et d'une physionomie si singulière devaient essentiellement avoir des manières de boire et de manger tout à fait inconnues au peuple de la nation centrale. Notre prière avant le repas, et surtout deux signes de croix largement dessinés, durent en effet leur promettre des particularités du plus vif intérêt. Parmi ces innombrables spectateurs, quelques-uns durent probablement comprendre ces signes de croix, car Nanchangfu, il y a des chrétiens, mais la majorité dut trouver passablement extraordinaire cette façon de se disposer à souper. On s'attendait donc à des révélations plus ou moins intimes des mœurs européennes. Wei Chan nous apporta le vin de riz tout fumant dans une urne d'étain. Il nous en versa dans de toutes petites tasses en porcelaine, et nous le bûmes en nous conformant au rite le plus scrupuleusement possible. Nous nous mîmes ensuite à éplucher des graines de citrouille, absolument comme si nous étions nés sur les bords du fleuve jaune, au lieu d'avoir vu le jour sur les rives de la Garonne. Les spectateurs, un peu étonnés, parurent prendre un très médiocre intérêt à cette manœuvre chinoise qui leur était suffisamment connue. Nous passâmes ainsi quelque temps à boire par petits coups du vin de riz et à croquer des graines de pastèque. Dans nos repas journaliers, nous avions l'habitude de témoigner peu d'attention à ces futilités. Nous passions par-dessus pour aller nous occuper de choses plus substantielles. Mais ce jour-là, soit amour-propre et désir de faire parade de notre savoir-faire, soit malice, afin de tromper l'attente des curieux, nous voulûmes boire et manger rigoureusement selon les prescriptions du rituel chinois. Le désenchantement des candides habitants de Nanchangfu fut complet lorsqu'ils nous virent ajuster entre nos doigts avec aisance et gravité nos bâtonnets d'ivoire, puis saisir çà et là les morceaux de notre convenance, les porter lestement à la bouche, fonctionner enfin, à l'aide de ces instruments impossibles, avec une dextérité consommée et comme si nous n'eussions pas fait autre chose toute la vie. Il y eut parmi la foule un mouvement d'hilarité qui semblait dire « Nous voilà étrangement frustrés dans nos espérances. Ces hommes-là ne sont pas tout à fait aussi barbares que nous le pensions. Ils seraient presque dignes d'appartenir au royaume des fleurs. » La représentation étant loin de réaliser tout ce que, dès le début, elle avait semblé promettre de curiosité, la foule, désappointée, commença à s'écouler peu à peu, et bientôt il n'en resta plus sur le quai que des marchands de fruits et de comestibles, et un certain nombre de désœuvrés qui, tout en fumant leurs longues pipes, jetaient de temps en temps un œil observateur sur la galerie où les deux missionnaires français, doux et d'excellent appétit, expédiaient, avec leurs bâtonnets d'ivoire, le menu d'un festin à la chinoise. Au moment où nous allions nous lever de table, un cortège de mandarins traversa le quai et s'arrêta à la porte du palais des compositions littéraires. L'appariteur de l'établissement arriva, un instant après, sur la galerie, et nous présenta une grande feuille rouge portant le nom du mandarin qui attendait à la porte. C'était le préfet du district où était situé le Wang Chang-kun. « Invité à monter, » dîmes-nous à l'appariteur, et le magistrat fut bientôt là, accompagné de quelques fonctionnaires de son tribunal. Après les compliments et les révérences d'usage, le préfet, dont la physionomie annonçait un homme d'origine tartare mandchoue, nous demanda pourquoi nous étions logés au Wang Chang-kun. Parce que les gens de l'administration n'ayant pas su nous dire que nous avons été débarqués, où nous devions nous rendre, nous avons choisi de nous-mêmes le Wang Chang-kun. Ces fonctionnaires ont agi avec stupidité. Votre logement était tout préparé dans l'intérieur de la ville. Merci de votre sollicitude, mais nous présumons que le logement préparé dans l'intérieur de la ville ne vaut pas celui que nous avons eu le bonheur de trouver. Nous autres Européens, nous aimons le frais et le grand air, et cette galerie, ouverte de tous côtés, nous convient à ravir. C'est vrai, la situation est des plus agréables durant les chaleurs de l'été. Cependant, le Wang Chang-kun n'est pas tout à fait à la disposition des autorités, c'est une propriété de la Corporation des Lettrés. Nous savons cela, mais nous n'ignorons pas non plus que la Corporation des Lettrés aime à pratiquer les rapports sociaux dont les préceptes sont exposés dans les livres sacrés et classiques. Les littérateurs et les bacheliers de toutes les contrées civilisées s'appliquent surtout à observer les rites de l'hospitalité envers les étrangers. Si jamais tu daignais visiter le modeste empire des Français, les lettrés de notre pays ne manqueraient pas de t'accueillir dans tous les Wang Chang-kun que tu rencontrerais sur ta route. « Ah, je ne serais pas digne, je ne serais pas digne, » dit le préfet, en accompagnant ses paroles d'une foule de petites courbettes rapidement exécutées. « Cependant, » ajouta-t-il, après avoir repris insensiblement la position verticale, « j'étais venu pour vous inviter à déménager et à vous rendre au logement que je vous ai fait préparer dans l'intérieur de la ville. »« Ah, nous ne sommes pas dignes de cette attention, » répondîmes-nous, en exécutant, à notre tour, une série de révérences. « Nous ne sommes pas dignes. Tu vois qu'on est fort bien ici. La raison nous invite à y rester, et les rites qui sont fondés sur la raison demandent qu'on nous y laisse. « Bien parlé, très bien parlé, » dit le mandarin en riant. « Je vois qu'il sera difficile de vous décider à quitter le Wang Chang-kun. » « Oui, très difficile, presque impossible. Il vaut mieux ne plus penser à cela. Parlons d'autre chose. » Et la conversation s'engagea immédiatement sur des sujets moins compromettants. Nous parlâmes de nos voyages de la Chine, des pays occidentaux, un peu enfin de tous les peuples du globe. Le préfet fut très aimable. Il ne nous dit plus un seul mot ayant rapport au déménagement, ce qui lui valut d'être reconduit par nous à travers tous les compartiments du palais des compositions littéraires, jusqu'à la première porte d'entrée. Notre position se trouva ainsi toute faite à Nanchangfu. Il n'y avait plus qu'à en profiter pour bien organiser ce qu'il nous restait encore à faire de chemin pour aller jusqu'à Canton. Le lendemain et les jours suivants que nous passâmes dans la capitale du Jiangxi, nous vîmes plusieurs mandarins et les chefs des lettrés dont nous occupions le palais. Tout le monde fut plein de bienveillance et personne n'eut l'inurbanité de nous chercher querelle au sujet de notre installation dans le Wenchangkun. On se contenta seulement de s'amuser un peu, d'une manière très gracieuse, de la prestesse de nos allures quand il fallait se tirer d'embarras, et du joli sans-façon avec lequel nous savions nous fabriquer un billet de logement. Parmi les nombreux visiteurs que nous reçut Madame Changfu, il y en eut un qui nous intéressa vivement par ses manières brusques, presque sauvages, et qui n'avait rien de cette courtoisie souple et un peu équivoque des Chinois. Nous étions dans notre galerie, assis sur des sièges en porcelaine, et uniquement occupés à regarder les passants et à respirer la fraîche brise que nous envoyait le voisinage de la rivière. Lorsqu'un jeune mandarin entra rondement sans s'être fait annoncer, nous dit bonjour avec un ton de fierté et d'indépendance auquel nous étions peu accoutumés en Chine, puis fit avancer avec son pied un fauteuil en bambou et s'assit franchement vis-à-vis de nous. D'abord, nous fûmes tentés de le rappeler énergiquement à l'observance des rites et d'assouplir un peu la roideur de son attitude. Mais sa physionomie nous plut. Elle était vive, alerte, pleine de franchise et de loyauté. Il nous sembla que le sans-façon de ses manières pouvait provenir d'un caractère un peu fier, mais nullement impertinent. « Voilà, lui dîmes-nous, que tu nous traites comme de vieux amis. C'est bien comme cela. Entre amis, les cérémonies ne doivent pas être minutieuses. » « Les Chinois, répondit-il, aiment beaucoup les cérémonies. Mais moi, je ne suis pas chinois, je suis mongol. »« Tu es mongol. » »« Vraiment, nous aurions dû le deviner. » Nous avons habité longtemps la terre des herbes. Nous avons visité les huit bannières et dressé notre tente dans tous les pâturages de la Tartarie, depuis le Grand Kouren, chez les Khalkhas, jusqu'au Koukounor, sur les bords de la mer Bleue. En entendant tous ces noms si poétiques et si harmonieux aux oreilles d'un habitant des steppes de la Tartarie, le jeune Mongol se leva comme transporté d'ivresse. Il nous pressait les mains et nous frappait sur les épaules pour nous témoigner son amitié. « Comment, disait-il, vous connaissez les huit bannières, le Grand Kouren et le Koukounor? Vous avez campé dans la terre des herbes. Sans doute, vous savez parler les paroles mongoles. Oui, frère, lui dîmes-nous, nous comprenons le langage de Tchingis et de Timur. » Dès ce moment, l'idiome chinois fut mis de côté avec un certain mépris et la conversation se continua en mongol. Ce jeune homme était d'une des familles les plus nobles de la tribu de Geshekten que nous avions habité pendant 2 ans. Probablement, nous avions dû nous rencontrer plus d'une fois durant nos courses à travers le désert. Il nous dit qu'ayant été à Pékin pour faire cortège à son roi, lors de la visite solennelle des princes tributaires à l'empereur pour la fête du Nouvel An, il avait conçu le désir de rester à la capitale. Son but était d'apprendre la littérature chinoise et de se préparer à subir les examens des gradués pour entrer ensuite dans la magistrature. Après plusieurs années d'études, il avait obtenu le diplôme de bachelier et depuis quelques mois seulement, il avait été envoyé comme mandarin surnuméraire dans un petit tribunal de la capitale du Kiangxi. Nous ne savons si nous étions aveuglés par notre vieille prédilection pour les Mongols, mais il nous semblait que cet enfant du désert avait quelque chose de supérieur aux Chinois. La civilisation de Pékin, hantée sur cette nature pleine de sève et de vigueur, nous parut avoir donné naissance, en quelque sorte, à un type nouveau, où l'on trouvait réunis et avantageusement combinés ensemble l'intelligence et la sagacité des Chinois avec la rude franchise et l'énergie des Tartares mongols. Durant les quelques jours que nous passâmes à Nongchangfu, nous revîmes plusieurs fois ce jeune mandarin, dont la société était pour nous des plus attrayantes. Nous retrouvions dans sa conversation de nombreux et agréables souvenirs de ces déserts de la Tartarie que nous avions si longtemps habités. Le bachelier mongol était d'ailleurs instruit et d'une intelligence très cultivée. Nous ne trouvâmes pas en lui ce mépris affecté des pays étrangers, et surtout des hommes et des choses de l'Europe, mépris dont presque tous les Chinois aiment tant à faire parade. Il écoutait, au contraire, avec intérêt, avec une admiration franche et sincère, tout ce que nous lui racontions des nations occidentales. Depuis quelque temps, la géographie était son étude favorite et journalière. Il nous parut que pour un Mongol, il avait des connaissances assez étendues sur cette matière. Il alla jusqu'à nous demander si, pour venir de France jusqu'à Canton, nous avions passé par le Cap de Bonne-Espérance, par le Cap Horn ou par la mer Rouge. La navigation, ajouta-t-il, doit être très commode pour voyager, mais il faut y être accoutumé. Si j'avais à me rendre dans votre partie, je préférais aller en caravane, de campement en campement, à la manière des Mongols. Je partirais de Pékin et je suivrais le désert jusqu'à Kiakhta, sur les frontières de la Sibérie. je traverserai ensuite tout doucement l'empire des oraux, les Russes, les divers royaumes de l'Occident, et j'arriverai dans le grand empire des Français. Et si de là tu voulais aller visiter les Ikinli, les Anglais, oh, je sais que le royaume des poils rouges est entouré d'eau de toutes parts. Les poils rouges sont des insulaires. Dans ce cas, je vendrai mes chameaux et je louerai une jonque de feu, un bateau à vapeur, pour me transporter dans l'île des poils rouges. Nous ne voulûmes pas lui faire observer que, selon toutes les possibilités, il ne trouverait à Paris qu'un nombre très restreint d'amateurs de chevaux. Une semblable révélation eût peut-être été capable de le contrister et de lui donner une mauvaise opinion des Parisiens. Depuis quelques années, on peut remarquer parmi les Chinois instruits une tendance bien prononcée à étudier la géographie et à s'occuper des peuples étrangers. Selon nous, c'est là un progrès immense et qui pourrait fort bien développer chez les Chinois, si infatués de leur savoir, le goût des sciences de l'Europe. Depuis la guerre des Anglais, il a paru plusieurs géographies chinoises très complètes et fort bien rédigées. L'appréciation des diverses parties du monde et surtout des royaumes de l'Europe est d'une exactitude assez remarquable. On voit que ces ouvrages ont été composés avec la coopération des Européens, et la manière élogieuse dont on y parle des États-Unis laisse facilement soupçonner que les Américains ne sont pas tout à fait étrangers à ces sortes de publications. Les ministres méthodistes, qui se tiennent embusqués dans les 5 ports ouverts au commerce européen, s'étant aperçus que la quantité prodigieuse de Bibles qu'ils répandaient furtivement sur les côtes de l'Empire n'agissait pas d'une manière extrêmement efficace sur les populations chinoises, ont renoncé à ce système de propagande peu dangereux, mais aussi très insignifiant et complètement inutile. Ils paraissent convaincus pour le moment qu'un ballot de Bibles, plus ou moins bien imprimé et broché, déposé avec beaucoup de précautions sur le rivage de la mer, ne saurait opérer la conversion de l'Empire chinois. Ils ont donc perdu un peu de la vivacité de leur foi au miracle opéré par ces simples distributions. Cependant, comme leur vocation est de faire imprimer et distribuer des livres, ils se sont mis à composer à l'aide des lettrés des opuscules scientifiques par lesquels ils s'imaginent captiver l'attention des populations chinoises. En 1851, peu de jours avant notre départ de la Chine, il nous a été donné de voir une de ces nouvelles productions. C'était tout bonnement un ouvrage technique sur les télégraphes électriques. Il faut en vérité ne pas connaître du tout le peuple chinois pour aller lui fabriquer des livres de ce genre. Offrir une théorie des télégraphes électriques à des hommes qui n'ont pas même dans leur langue des termes pour exprimer les phénomènes les plus simples de l'électricité, c'est à ne pas y croire. Nous sommes convaincus que dans tout l'Empire il n'y a pas un seul Chinois capable de comprendre une page de ce livre, car pour rendre ces idées nouvelles, on a été obligé de combiner les caractères les plus opposés et d'inventer un jargon à part, auquel les habitants du céleste Empire ne se hâteront pas de s'initier. Sans doute, il n'est personne qui n'appelle de ses voeux le moment où les Chinois abandonneront leurs vieux préjugés pour étudier les sciences de l'Europe. Mais tout enseignement doit procéder par degrés et méthodiquement. Des méthodistes devraient au moins comprendre cela. Il n'y aurait pas un seul chrétien en Chine si les missionnaires catholiques, au lieu d'enseigner le catéchisme à leurs néophytes, avaient commencé par mettre entre leurs mains un traité sur la grâce avec des dissertations sur l'hérésie janséniste. Ceci tient à une fausse idée qu'on s'est faite en Europe des habitants du céleste empire. Sous prétexte qu'ils ont su calculer les éclipses et que les jésuites astronomes ont joui d'une grande faveur à la cour, sous les premiers empereurs de la dynastie tartare mandchoue, on a conclu que les Chinois étaient passionnés pour les sciences astronomiques et qu'en arrivant en Chine, on avait affaire à 300 millions d'aragots, plus ou moins occupés d'étoiles et de planètes. Et cependant, s'il est au monde un peuple absorbé par les affaires de la Terre et qui se met peu en peine de ce qui peut se passer là-haut parmi les sphères célestes, c'est assurément le peuple chinois. Les plus érudits savent tout juste qu'il existe une astronomie ou, comme ils disent, Tianwen, une littérature céleste. Mais ils ne connaissent pas les premiers éléments de la science et ceux pour lesquels une éclipse est un phénomène naturel et non pas un dragon qui cherche à dévorer le soleil ou la lune sont déjà très avancés. Si les missionnaires astronomes ont exercé autrefois tant d'influence à la cour et joui d'une si grande célébrité, c'est une preuve que les astronomes du gouvernement n'étaient pas eux-mêmes très forts. Ils ne pouvaient réussir à faire un bon calendrier lorsque les jésuites arrivèrent fort heureusement pour les tirer d'embarras. Depuis que les derniers ont été expulsés de Pékin, les membres du tribunal des mathématiques sont retombés dans leur ignorance habituelle, et tous les ans, le gouvernement doit envoyer le nouveau calendrier à Canton pour le faire corriger par les Européens. Les Chinois, nous en sommes persuadés, auraient une grande aptitude pour toutes les sciences. Leur esprit vif, pénétrant, leur incomparable patience surtout, servirait incontestablement à les conduire à de grands et rapides progrès. Mais jusqu'ici, ils n'ont jamais étudié les sciences pour elles-mêmes. Ils n'en ont jamais vu que le côté pratique et productif. Les connaissances qui ont rapport à la physique, à la chimie, à l'astronomie et aux mathématiques, ils les considèrent uniquement comme des moyens plus ou moins sûrs de gagner facilement des sapèques. Entre leurs mains, tout se convertit en métier, en industrie. Si les livres d'astronomie et d'électricité que leur composent les méthodistes pouvaient leur fournir des recettes pour acquérir en peu de temps une grosse fortune, ils passeraient volontiers par-dessus toute leur répugnance et les étudieraient avec ardeur. Ils écouteraient sérieusement ceux qui leur enseigneraient les moyens immédiats d'augmenter leurs revenus. Mais ils se prennent à rire de bon cœur quand on leur propose tout uniment d'agrandir le cercle de leurs connaissances. Ils trouvent qu'on leur fait là une espièglerie de fort mauvais goût. Nous profitâmes de nos moments de loisir pour visiter Nanchangfu, qui est une des plus célèbres capitales de province. Nous l'avions déjà traversée en 1840, lors de notre entrée en Chine, mais furtivement, et trop à la hâte pour en avoir une appréciation exacte. On ne voit pas plus à Nanchangfu que dans les autres grandes villes chinoises de monuments capables de fixer l'attention. Des pagodes, des tribunaux, quelques arcs de triomphe élevés en l'honneur des veuves et des vierges, voilà ce qu'on rencontre de plus saillant en architecture. Cependant, les rues sont larges, assez propres, les magasins et les boutiques magnifiquement tenus et ornés. La ville, dans son ensemble, est après Qingtufu, capitale de la province du Sichuan, la plus régulière et la plus belle que nous ayons remarquée dans l'Empire chinois. Quoique le Jiangxi soit une province pauvre et incapable de se suffire à elle-même, le commerce de Nanchangfu est extrêmement considérable. Cela tient à sa position sur la grande ligne qui fait communiquer entre eux les plus grands centres de population et d'activité tels que Canton, Nankin, Ankéou et Pékin. Toutes les marchandises venant du nord ou du midi doivent passer par Nanchangfu. Le Jiangxi, peu riche en produits agricoles, est cependant depuis des siècles en possession de l'industrie peut-être la plus importante de tout l'Empire chinois. C'est dans cette province que se trouvent toutes les grandes fabriques de porcelaine, dont Nanchangfu est naturellement l'entrepôt général. Il y a dans cette ville plusieurs magasins immenses où l'on trouve des porcelaines de toutes formes, de toute grandeur et de toute qualité, depuis ces urnes grandioses où sont représentées en relief des scènes richement coloriées de la vie chinoise, jusqu'à ces petites coupes si frêles, si délicates et si transparentes, qu'on leur a donné le nom de coque d'œuf. La première fabrique de porcelaine est à Qingtèqing, à l'est du Puyang, sur les bords d'une grande rivière qui se jette dans le lac. Qingtèqing n'est pas une ville à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entourée de murailles. Cependant, elle compte plus d'un million d'habitants, presque tous occupés de la fabrication ou du commerce de la porcelaine. Il règne au milieu de ces nombreux établissements une activité et une agitation difficiles à décrire. À chaque instant du jour, on voit s'élever des pétourbillons de fumée et des colonnes de flammes qui donnent à Qingtèqing un aspect tout particulier. Pendant la nuit, la ville paraît tout en feu. On dirait qu'un immense incendie la dévore. Plus de 500 fabriques particulières et des milliers de fourneaux sont perpétuellement occupés à élaborer cette quantité prodigieuse de vases qu'on expédie ensuite dans toutes les provinces de la Chine et, on peut dire, dans le monde entier. Pour la fabrication de la porcelaine, comme dans toutes les industries chinoises, le travail est divisé à l'infini. Chaque ouvrier a sa spécialité, son talent particulier. L'un dessine une fleur, l'autre dessine un oiseau. Celui-ci applique la couleur bleue et l'autre la rouge. On a remarqué qu'un vase de porcelaine, lorsqu'il est terminé et propre à être livré au commerce, a déjà passé par les mains de plus de 50 ouvriers différents. Le père d'Entrecolle, qui au commencement du XVIIIe siècle était chargé de la mission du Jiangxi et avait ainsi l'occasion de visiter souvent Qingtèqing, où un assez grand nombre d'ouvriers avaient embrassé le christianisme, a envoyé en France des relations très curieuses et très détaillées sur le secret de la fabrication de la porcelaine. C'est avec le secours de ces précieux documents et des nombreux échantillons de kaolin et de pétunsé qu'on est enfin parvenu à fabriquer chez nous des vases semblables à ceux de la Chine et du Japon dont la perfection a longtemps désolé les imitateurs européens. La fabrication de la porcelaine remonte en Chine à une très haute antiquité. Déjà, sous la dynastie des Han, vers le commencement de l'ère chrétienne, cette industrie était très florissante. On voit chez les antiquaires chinois de beaux vases de cette époque. Ils ne sont pas aussi transparents que ceux qu'on fabrique aujourd'hui, mais l'émail en est plus fin et d'une couleur plus vive. Les amateurs conservent avec soin certaines porcelaines dont on a perdu actuellement le secret de fabrication. Ainsi, il existe des coupes doubles. La partie extérieure est toute ciselée et percée à jour comme une dentelle. La coupe intérieure est unie et d'une blancheur éblouissante. Il en est d'autres qui ont des dessins en quelque sorte magiques et qui ne paraissent que lorsque la coupe est remplie. Les dessins sont placés sur la partie intérieure et les couleurs ont subi une préparation particulière qui les rend invisibles quand il n'y a pas de liquide. On remarque enfin la porcelaine craquelée qu'on ne sait plus faire comme autrefois et qui offre, sur toute la surface, des lignes brisées en tous sens, comme si le vase entier était composé de pièces rapportées. On dirait une mosaïque du travail le plus exquis et le plus délicat. Ses secrets de fabrication et une foule d'autres ont été perdus. On dirait même, chose étonnante, en lisant les annales de la Chine, que l'art tout entier s'est perdu jusqu'à 4 ou 5 fois à la suite des révolutions profondes et des grands bouleversements dont l'Empire a été si souvent le théâtre. Cette industrie si précieuse a dû ensuite être inventée de nouveau, recommencer ses progrès passés sans pouvoir toujours parvenir à la même perfection. Il existe en Chine une classe d'amateurs qui recherche avec avidité les porcelaines antiques et les vieux bronzes auxquels on donne le nom de Kuntung. On les estime comme œuvres d'art, mais surtout à cause de cette valeur mystérieuse qui s'attache toujours aux choses des siècles passés. Les ouvriers chinois ont tant de scélératesse dans l'esprit qu'ils parviennent souvent à imiter les Kuntung de manière à tromper l'œil le mieux exercé. Plusieurs antiquaires étalent dans leur cabinet, avec la meilleure foi du monde, certains prétendus vieux vases n'ayant tout en plus que quelques mois de date. Les falsificateurs de Kuntung emploient ordinairement une pierre roussâtre dont ils font la pâte de leur vase. Lorsqu'ils sont cuits, on les jette dans un bouillon très gras où on leur fait subir une seconde cuisson. Ensuite, on les enterre dans un égout dont ils sont exhumés après 40 ou 50 jours. C'est ainsi qu'on fait les vieilles porcelaines de la dynastie des Yuan. Les fabricants de porcelaine ont un patron dont l'origine est racontée de la manière suivante par le père d'Entrecolle. Comme chaque profession a son idole particulière, et que la divinité se communique aussi facilement que la qualité de comte ou de marquis se donne en certains pays d'Europe, il n'est pas surprenant qu'il y ait un dieu de la porcelaine. Ce dieu doit son origine à ces sortes de dessins qu'il est impossible aux ouvriers d'exécuter. On dit qu'autrefois un empereur voulut absolument qu'on lui fit des porcelaines sur un modèle qu'il donna. On lui représenta diverses fois que la chose était impossible, mais toutes ces remontrances ne servirent qu'à exciter de plus en plus son envie. Les empereurs sont, durant leur vie, les divinités les plus redoutées à la Chine. Ils croient souvent que rien ne doit s'opposer à leurs désirs. Les officiers redoublèrent donc leurs soins, et ils usèrent de toutes sortes de rigueurs à l'égard des ouvriers. Ces malheureux dépensaient leur argent, se donnaient bien de la peine, et ne recevaient que des coups. L'un d'eux, dans un mouvement de désespoir, se lança dans le fourneau allumé et y fut consumé à l'instant. La porcelaine qui s'y cuisait en sortit, dit-on, parfaitement belle, et au gré de l'empereur, lequel n'en demanda pas davantage. Depuis ce temps-là, cet infortuné passa pour un héros, et il devint dans la suite l'idole qui préside aux travaux de la porcelaine. Je ne sache pas que son élévation ait porté d'autres Chinois à prendre la même route, en vue d'un semblable honneur. La province du Jiangxi est en possession d'une autre industrie, moins précieuse, moins importante sans doute que celle de la porcelaine, mais extrêmement remarquable à cause de son originalité et dont les avantages ne sont pas à dédaigner. Nous avons dit que cette province était très marécageuse. De toutes parts, on rencontre des étangs, et il n'est presque pas de petits propriétaires qui ne possèdent quelques bassins aux environs de sa maison. On utilise ces pièces d'eau en y élevant des poissons qui, tous les ans, fournissent un excellent revenu à ceux qui donnent leur soin à cette intéressante industrie. Depuis quelques années, on s'occupe en France de ce qu'on est convenu d'appeler la pisciculture, et on cherche à perfectionner les moyens de faire éclore et d'élever artificiellement les poissons. Or, les Chinois connaissent depuis longtemps ces procédés tout nouveaux pour les Européens. Voici ce qui se pratique dans la province du Jiangxi. vers le commencement du printemps, un grand nombre de marchands de frais de poisson venus, dit-on, de la province de Canton, parcourent les campagnes pour vendre leurs précieuses semences aux propriétaires des étangs. Leurs marchandises, renfermées dans les tonneaux qu'ils traînent sur des brouettes, est tout simplement une sorte de liquide épais, jaunâtre, assez semblable à de la vase. Il est impossible d'y distinguer à l'œil nu le moindre animalcule. Pour quelques sapèques, on achète plein une écuelle de cette eau bourbeuse qui suffit pour ensemencer, selon l'expression du pays, un étang assez considérable. On se contente de jeter cette vase dans l'eau, et dans quelques jours, les poissons éclosent à foison. Quand ils sont devenus un peu gros, on les nourrit en jetant sur la surface des viviers des herbes tendres et hachées menues, on augmente la ration à mesure qu'ils grossissent. Le développement de ces poissons s'opère avec une rapidité incroyable. Un mois tout au plus après leur éclosion, ils sont déjà pleins de force, et c'est le moment de leur donner de la pâture en abondance. Matin et soir, les possesseurs des viviers semblent faucher les champs et apportent à leurs poissons d'énormes charges d'herbe. Les poissons montent à la surface de l'eau et se précipitent avec avidité sur cette herbe qu'ils dévorent en folâtrant et en faisant entendre un bruissement perpétuel. On dirait un grand troupeau de lapins aquatiques. La voracité de ces poissons ne peut être comparée qu'à celle des vers à soie quand ils sont sur le point de filer leur cocon. Après avoir été nourris de cette manière pendant une quinzaine de jours, ils atteignent ordinairement le poids de 2 ou 3 livres et ne grossissent plus. Alors on les pêche et on va les vendre tout vivants dans les grands centres de population. Les pisciculteurs du Kiangxi élèvent uniquement cette espèce de poisson qui est d'un goût exquis. Peut-être en existe-t-il d'autres, mais nous n'en avons pas eu connaissance. Nous ignorons également si le frais qu'on vend dans le Kiangxi a subi par avance quelques préparations. Notre halte à Nanchangfu fut de 5 jours. Durant ce temps, la plus importante de nos affaires fut d'organiser le mieux possible notre itinéraire depuis la capitale du Kiangxi jusqu'à Canton. Le gouverneur de la province, le préfet de la ville, les fonctionnaires civils et militaires, tout le monde nous témoigna beaucoup de bienveillance. On mit même un certain empressement à faire exécuter le plan que nous avions formé pour notre voyage. Les fortes chaleurs et le besoin de repos nous firent prendre la résolution de continuer notre route par eau. Nous pouvions remonter une grande rivière, depuis Nanchangfu jusqu'à la montagne Meiling, qui se trouve à moitié chemin. Il suffit d'un jour pour la traverser, et l'on rencontre ensuite le fleuve Kiang, qu'on peut suivre jusqu'à Canton. Nous savions que cette route valait infiniment mieux que la voie de terre, surtout quand on navigue sur des jonques mandarines et qu'on a pris de bonnes mesures d'approvisionnement. Toutes nos combinaisons réussirent si bien que nous eûmes d'abord une sorte de frégate de guerre, armée tant bien que mal, pour nous escorter. Puis de superbes jonques, une pour les mandarins conducteurs et les gens de leur suite, et une autre pour nous. Nous avions expressément demandé à être seuls afin d'être plus tranquilles, plus libres pour vaquer à nos exercices et faire le ménage comme nous l'entendrions. Nous prîmes toutefois avec nous notre domestique Wen Chan, plus un cuisinier, qui, selon le témoignage du préfet de Nanchangfu, était un artiste du premier mérite. La question des approvisionnements fut décidée par le gouverneur avec une largesse qui tenait de la somptuosité. Dans le but de nous faire traiter plus sûrement selon nos goûts et nos désirs, il fit un décret enjoignant aux administrations de toutes les villes situées le long du fleuve que nous allions remonter d'avoir à nous fournir à notre passage 5 onces d'argent, ce qui vaut à peu près 50 francs. Cette somme devait être entièrement à notre disposition pour le service de la table. Comme sur cette route les villes sont assez rapprochées, il se trouva que nous avions en réserve une somme énorme lorsque nous arrivâmes à Canton. On verra plus tard quelle en fut la destination. Les autorités de Nanchangfu, il faut en convenir, firent les choses en grand et nous traitèrent avec une pompe extraordinaire. Que l'on compare cette manière large et pleine de dignité du gouverneur du Kiangxi avec le règlement mesquin qu'on suit à l'égard du colonel russe, chargé de conduire tous les 10 ans une légation de Kakta à Pékin. D'après une loi qui s'exécute ponctuellement, il est accordé par jour à ce représentant du tsar un mouton, une tasse de vin, 1 livre de thé, 1 cruche de lait, 2 onces de beurre, 2 poissons, 1 livre d'herbes salées, 4 onces de fèves fermentées, 4 onces de vinaigre, 1 once de sel et 2 soucoupes d'huile de lampe. Puis, tous les 9 jours, un dîner de 4 services à la chinoise. Le personnel de l'escorte qui nous accompagnait depuis la capitale du Hubei fut remplacé à Nanchangfu. Le sol pleureur nous fit ses adieux et nous reçûmes avec reconnaissance ses vœux et ses larmes. Au moment de nous embarquer, nous fûmes accostés sur le quai par deux bons bourgeois à figure pleine de franchise qui nous souhaitèrent un bon voyage. Nous n'eûmes qu'à considérer un instant leur physionomie pour savoir à qui nous avions affaire. « Vous êtes chrétien ?» leur dîmes-nous. « Oui, père, » nous répondirent-ils en regardant de côté d'autre pour voir si personne ne les observait. Nous leur demandâmes à la hâte des nouvelles de la mission et de nos confrères, et nous fûmes obligés de nous séparer d'eux pour monter sur la jonque. La mission de Kiangxi, confiée à la congrégation de Saint-Lazare, compte à peu près 10 000 chrétiens, disséminés sur tous les points de la province. Ils sont en général pauvres et très timides. Ils s'opèrent tous les ans un certain nombre de conversions, mais la propagation de la foi y avance lentement, comme dans toutes les autres missions du Céleste Empire.